Chapitre 14e, 17 juillet. Aujourd'hui, à 2 heures, dans une grande salle munie de banquettes rouges ornées du buste en plâtre de la République et sentant le tabac, un négociant en cuir, maire de notre arrondissement, est apparu ceint d'une écharpe tricolore. Et de par la vertu qui réside en cette écharpe, ce monsieur, au lieu de faire des sourires comme d'habitude à pareille heure, a fait de Mademoiselle Claire le couturier et de M. Raymond Blachère une paire d'époux. La loi, dont la représentation même devrait toujours être auguste, s'est incarnée en ce petit homme sautillant et guilleret, comme Dieu descend dans l'hostie au moment de l'élévation. Je ne suis pas un bien grand croyant, et ce qui reste en moi de la foi de mes premières années n'est guère au fond que le regret de l'avoir perdu, avec l'amertume de sentir que rien jamais ne me la rendra. Je serai plus touché pourtant, il me semble, du mystère qui s'accomplira demain sur l'autel, que je ne l'étais de la transsubstantiation de ce marchand de chaussures. Il a expédié, avec la hâte qu'on met à se débarrasser d'une corvée, les paroles qui lient à jamais de créatures humaines. Il n'a pas même pu garder jusqu'au bout l'air de gravité convenu qui fait, comme l'écharpe, partie de sa tenue les jours où il officie. Ensuite, ce personnage dépourvu de prestige a bredouillé je ne sais quoi. J'ai cru comprendre qu'il qualifiait de témoin de faisceau de notabilité. On nous a fait mettre notre signature sur un registre. Tout est en règle, nous sommes mariés. En sortant, Claire m'a dit « Je ne sais pas ce que toutes les femmes ont contre le mariage à la mairie. C'est très bien ces mariages civils. » Madame le couturier s'est approchée de sa fille et l'a saluée de ces mots. « Bonjour, madame la baronne. » J'ai passé le reste de l'après-midi rue Tronchet. Nous avons fait 1000 charmants projets d'installation. Claire a un idéal d'appartement tout en salon, qui me surprend et me déconcerte un peu. Mais nous n'avons le temps de nous occuper de rien avant l'automne et D'ici là, nous allons commencer par faire un petit voyage. J'aurais préféré qu'elle eût consenti à passer quelques semaines à Château-Frayé, où maman serait venue nous retrouver dans une dizaine de jours. Un médecin de nos amis m'a donné discrètement à entendre que l'agitation du voyage ne vaut rien pour les jeunes femmes. Et j'avais une idée chère, qui était de l'emporter là, dans ma vieille maison, que sa grâce et son sourire eussent rajeuni, de l'aimer loin du bruit et de la foule, à l'ombre de mes arbres, dans le mystère de mon parc, frais et doux nid de verdure qui abritait il y a 27 ans les amours de ceux dont je suis né. Il faut renoncer à ce rêve. Claire me donne le choix entre Trouville et Biarritz. Nous partirons donc demain soir. Nous irons à l'hôtel. Ah, la chambre toute blanche. La chambre pleine de fleurs que je lui eusse offerte dans ma maison. Et le silence du parc pendant cette première nuit. Et les chansons d'oiseaux le matin par la fenêtre entr'ouverte. Comme elle me gâte ma fête, la méchante, sans le savoir. Claire ayant déclaré qu'elle voulait se coucher tôt pour avoir le teint reposé, demain, à l'église, j'ai dîné à 6 heures, chez mes beaux-parents. À 7 heures, M. Léonard est arrivé pour procéder à un suprême essayage. J'ai cédé la place à cet homme important. Aussi bien, j'étais gêné, je me sentais vaguement ridicule dans ce rôle de demi-mari. L'idée m'est venue d'aller finir ma soirée à Château-Frayé. À 8h30, je suis entré par la petite porte de la grille. Je me suis rappelé que là, pour la première fois, mes yeux ont rencontré les yeux de la créature chère et sacrée qui sera ma compagne de vie et la mère de mes enfants. Le grand sapin était déjà tout noir dans le bas, mais sa flèche grêle se détachait nettement sur le ciel empourpré. Le coup de tonnerre qui a frappé son faîte a tué plus qu'à moitié le vieil arbre. Sois bénie, flamme divine qui m'a touché et qui m'a seulement vivifié. J'ai fait le tour de la maison. Je me suis assis sur le banc de gazon au pied du sylvain, à l'endroit où j'ai senti la main, la chère petite main qui fermera mes yeux, se poser un soir toute tremblante sur mon bras, et je lui ai redit, à l'absente adorée, que je l'aimais d'un amour immortel. La lune, cachée derrière un nuage, a tout à coup rempli l'espace d'une lumière plafarde, et la prairie où rampaient de légères vapeurs m'a paru semblable à un lac, que la futaie noirâtre entourait comme d'une falaise. les grenouilles de la pièce d'eau se sont mises à coasser bruyamment. Le coassement affaibli de celle du saut de loup leur répondait au loin. Je sentais une douceur indicible à remplir mes yeux de ces images familières, mes oreilles des bruits amis qui s'élèvent çà et là dans la paix nocturne des champs. Je suis entré dans la maison. J'ai monté à ma chambre. En y entrant, mes regards se sont arrêtés sur une gravure de Dürer que Kavarok m'a donnée autrefois, la Mélancolia, que le temps me semble donc loin, où je passais des heures à contempler cette sombre allégorie, à méditer et à creuser la pensée de désespérance dont elle procède, à me répéter que le vieux maître avait raison, qu'une amère tristesse est au fond de tout, que tout l'effort humain aboutit à l'universel désenchantement. J'étais sincère en croyant à tout cela, comme je le sais aujourd'hui en n'y croyant plus. Oui, je le vois maintenant, mon cher abbé avait raison, la vie est bonne, et si j'osais nier qu'elle le fût, c'est que je n'avais pas encore goûté à ce qu'il y a de meilleur et de vraiment divin en elle. Ce dont je rendrai grâce éternellement à l'amour n'est pas seulement de m'avoir révélé le mensonge de l'énervante doctrine à laquelle j'avais été séduit, c'est aussi, c'est surtout, de m'avoir élevé, du jour où il est entré dans mon cœur, bien au-dessus de ce qui fut le niveau moyen de moi-même. Je me sens meilleur et plus grand. Je voudrais faire des choses si belles qu'on les jugerait folles. Me dévouer à la défense de quelque noble cause et y verser tout mon sang. Je comprends les martyrs. J'ose à peine m'avouer que je les envie presque, tant est puissant l'instinct d'héroïsme qui s'est emparé de moi depuis que j'aime. Jamais la vie ne m'a paru si belle, et jamais pourtant je n'ai moins redouté la mort. Cette mort dont la menace importune obsédait jadis ma pensée. Pendant que je songeais à ces choses, de petits moucherons, entrés par la fenêtre ouverte, dansaient autour de ma bougie une balse éperdue. Je voyais leur essaim léger tourbillonner comme un de ces remous que le vent forme parfois dans la poussière. Ces éphémères créatures, dociles sans le savoir à la grande loi d'amour que je subis comme elles, se cherchaient, se poursuivaient d'un désir effréné plus fort que la crainte. Puis, ayant accompli leur fonction qui est celle de tout être, à savoir de transmettre la vie qu'on a reçue et de mourir après, brûlée par la flamme, elles tombaient, pantelantes, sur la table. J'ai senti d'abord une pitié m'envahir au spectacle de ces frêles agonies. Puis, faisant un retour sur moi-même, j'ai pensé qu'il n'y avait pas lieu de plaindre ces bestioles, puisqu'avant d'être anéanties, elles avaient aimé. 10 heures sonnaient. Avant de partir, j'ai cherché la lettre où mon père m'a laissé ses instructions dernières. « Sois, écrivait mon père 8 jours avant sa mort, sois ce que les Lassius appelaient « vir unius mulieris ». Aime une femme, une seule. Fais de cette femme-là ta compagne et la mère de mes petits-enfants, que je ne verrai pas. Aime-la de toutes les forces de ton être, et respecte-la autant que tu l'aimeras. C'est là qu'est la vérité, là qu'est le bonheur. Hors de là, il n'y a rien. » J'ai relu ce passage. Mon père, si quelque chose de ce qui fut vous subsiste, non point perdu comme un atome inerte au sein de l'énorme univers, mais animé encore d'une vie propre, gardant le souvenir de ce que vous avez senti, de ce que vous avez pensé, de ce que vous avez aimé durant votre passage sur cette terre, regardez dans mon cœur. N'est-ce pas de la façon prescrite par vous que j'aime celle qui, dans quelques heures, sera l'épouse de votre fils? Je suis revenu à Paris par le dernier train. J'ai dit à ma mère en rentrant le pèlerinage que je venais de faire. Je m'étais mis à genoux auprès de son fauteuil pour lui conter cela, comme je fais quand nous sommes seuls, parce que je sais qu'elle aime à me voir ainsi devant elle, en souvenir du temps où j'étais petit et nous étions 3. Elle a posé ses mains, ses pauvres mains toutes blanches et toutes maigres, sur mon front, d'un geste de bénédiction, sans prononcer un seul mot. Mais elle avait les yeux levés au ciel, et ses lèvres remuaient un peu, comme si elle eût adressé là-haut des paroles que je n'entendais point. Et maintenant me voici seul dans ma chambre, écrivant les dernières lignes de ce journal, qui a été pendant 10 semaines le confident de mes plus secrètes pensées, et que je ne continuerai plus puisque j'aurai désormais auprès de moi une âme pour y verser la mienne. Il est très tard. Le roulement des voitures s'éteint peu à peu. La rue est déserte. et le silence qui s'épaissit autour de moi m'invite au repos. Mais je n'ai pas sommeil. Je songe. Je songe obstinément à la bien-aimée qui dort là-bas, sous ses grands rideaux blancs.